أبدأ بسم الله مستعينا رضي به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعين على من رضاه وأستمد لطفه فيما قضى. اللهم أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا، اللهم أسألك التوفيق والإخلاص، اللهم لي ولإخواني ولإخوتي. وبعد، وإن شاء الله la dernière fois on avait vu la définition de l'iman dans la langue arabe. Et on avait donc dit que le mot le plus proche, on avait donné des synonymes. On avait dit que pour définir l'iman, donc ces synonymes, c'était le mot iqrar, al-thiqatu, wa at-tu'maninatu. Donc on avait dit que les synonymes, c'était l'iqrar, qu'on peut traduire en français par l'engagement ferme, al-thiqatu, qu'on peut traduire comme étant la confiance, wa at-tu'maninatu, qu'on peut traduire comme étant l'apaisement. Ça, c'est des synonymes. Quant au sens de cela, on avait dit que le tasdir, c'est-à-dire le fait de croire une chose pour définir l'iman, même si c'était la base, c'était pas suffisant, puisqu'il fallait que le tasdir soit ajouté au tasdir du amn, c'est-à-dire de la sécurité. On avait dit ensuite que ici, donc, cet iman était relatif à l'informateur et à l'information. À savoir que quand l'information vient d'Allah et de son prophète, alors on doit être ici, on doit avoir le tasdir, donc croire l'informateur, que ce soit Allah ou son prophète, et on doit être aussi apaisé et avoir confiance et prendre l'engagement de ferme de faire, de croire ou de faire. Donc de croire si c'est simplement une information, comme par exemple Allah a dit, Ar-Rahman al-Arash istawa, Ar-Rahman s'est établi comme il convient à sa majesté sur le trône. Donc ici Allah il nous informe, il nous donne une information dans laquelle il n'y a pas d'acte. Donc ici, elle émane de cette information, c'est de croire l'informateur qui est Allah, donc ici le tasdir. Et la deuxième chose de rajouter à ça donc, de la sécurité, être apaisé. Donc ici, tu crois l'information et tu crois l'informateur. De même, quand l'information vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ici, tu crois l'information, quand le hadith est authentique, tu crois l'information et tu es apaisé quant à l'information qui t'est donnée. Même si ta raison ne comprend pas. Comme par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, hadith il est sahih, si une mouche tombe dans le récipient, alors plongez-la entièrement. Ensuite, il a donné la raison de cela, et il a expliqué que dans l'une des ailes de la mouche, il y a la maladie, et dans l'autre aile, il y a la guérison. Et comme toi, il n'y a qu'une partie de la mouche qui est plongée, tu ne sais pas si c'est le côté de l'aile qui a la guérison ou qui a la maladie qui est plongée, donc pour annuler l'effet, tu la plonges entièrement. Donc ici, comme ce hadith il est authentique, tu dois croire l'informateur qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais croire n'est pas suffisant, tu dois aussi rajouter au tasdir le fait d'être apaisé. Et ici, si tu as les deux, on pourra dire que tu as l'iman, même si ton cerveau ne comprend pas. Et le hadith que je viens de donner, il y a dans l'époque où on vit, la science moderne a confirmé en effet que dans l'aile de la mouche, il y a la guérison, et dans l'autre aile, il y a la maladie. Mais ici, il est important, nous, on ne croit pas, nous, on n'est pas apaisés quand la science moderne vient confirmer ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou ce qu'Allah a dit. Sinon, ici, ton iman, ça veut dire que tu ne crois que aux choses que ta raison peut percevoir, ou alors tu crois en la science moderne. Et ici, la première qualité qu'Allah a donnée dans le Coran, quand il a parlé des croyants, il a dit « Alladhina yu'minuna bil ghaib », ceux qui croient en l'invisible. Donc le ghaib, c'est tout ce que nos sens ne peuvent pas percevoir, et ce dont Allah et son prophète nous ont informés. Donc ici, même si ces choses on ne les voit pas, tant que l'information elle vient d'Allah, ou que le hadith est authentique, on y croit d'une croyance ferme, apaisée et tranquillisée. D'accord? Donc on a dit ça, c'était, j'ai donné l'exemple pour l'information. Si maintenant il s'agit d'un acte, on ne pourra dire, et je parle toujours du rappel de la semaine dernière, de la dernière fois, de la définition de l'iman juste dans la langue arabe. On n'est pas encore entré dans la définition de l'istilah, dans la législation, dans la charia. Ici, si l'information comprend un acte, pour que tu aies vraiment l'iman, il faut que tu fasses l'acte. Alors, je le qala wa aqimus salah, accomplissez la prière. Ici, si tu ne fais pas la prière, eh bien, on est dans la langue arabe. Hein. Si tu ne fais pas la prière, tu n'as pas l'iman de cette information, puisque ici, l'information comprenait un acte et que tu n'as pas réalisé cet acte. Donc, tu n'as pas l'iman, même dans la langue arabe. D'accord? Si on donne un exemple de ça, si notre père nous dit d'aller au marché et de lui ramener tel ingrédient, si après il nous questionne et il nous dit tu nous as ramené l'ingrédient, on lui dit oui mais je t'ai cru mais je t'ai pas ramené, et bien ici tu n'auras pas eu l'hymen de ce que ton père t'a demandé de faire. D'accord? Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir l'hymen dans le sens législatif, dans le sens istilahi. D'accord? Donc on va commencer par voir les paroles des salafs sur cela. Donc Ibn Taymiyyah, il rappelle la parole de nombreux salafs et il dit que tous s'accordent pour dire que l'iman, c'est qawlun wa amal. Iman, c'est des paroles et des actes. Il monte et il descend. De même que l'imam Shafi'i rappelle le consensus et il dit, il y a consensus des compagnons et des tabi'in, ainsi que ceux qui sont venus après, et il dit, la foi est qawlun, la foi est parole, l'iman est parole, acte, et il a rajouté intention. On verra après. Quant à l'imam al-Bukhari, il dit, la parole elle est rapportée par al-Lalakai dans son livre Sharh Usul al-I'tiqad, al-Sunna wal-Jama'a, dans son livre La base des croyances des gens de la Sunna, l'imam Bukhari dit, j'ai rencontré plus de 1000 personnes de gens de science et tous disaient que l'iman était parole et acte. Donc ici, l'imam al-Bukhari, c'est comme s'il avait parlé, c'est comme s'il avait parlé de l'ijma sans vouloir dire l'ijma, car il était prudent. C'est juste par prudence, mais en fait, c'est comme si il nous avait parlé de l'ijma. Donc l'ijma, elle a été rapportée par Ibn Hazm. Donc il a dit que l'ijma a été rapporté par l'imam Shafi'i, par Ahmed, par Malik, la parole de l'imam Bukhari qu'on vient de citer. Et ils disent, personne n'a divergé à cette époque, personne n'a divergé avec eux. Faut savoir que l'imam Ahmed et l'imam Shafi'i et les mêmes Bukhari, ce sont des gens, des savants du hadith. Donc ils ont une spécificité qui est quoi? Ils connaissent les hommes et ils connaissent leurs paroles. Ils connaissent les hommes et ils connaissent leurs paroles. Donc ici, ils ont rencontré beaucoup de gens. Et donc ils connaissaient la parole des savants quant à l'Iman. Et donc eux, ils ont rappelé le consensus, al-Ijma, en disant que l'Iman, c'est qawlun wa amal, que c'est parole et acte. De même que le consensus, il a été rappelé par Ibn Kathir, d'accord? Par Ibn Qayyim, par Ibn Taymiyyah, comme on a dit. Donc tous, ils ont dit que l'iman est qawlun wa amal, c'est des paroles et des actes, il monte et il descend. Et chez eux, toute obéissance est de l'iman. Donc ici, vous avez pas remarqué que sur les quatre imams, on a dit l'imam Shafi'i, l'imam Ahmed et l'imam Malik. Et on n'a pas cité Abu Hanifa. Abu Hanifa a divergé avec le consensus. Juste avant cela, on va dire, l'ijma, elle a eu lieu quand? L'ijma qu'on vient de rapporter. Il a eu lieu à l'époque des compagnons et des tabi'in. À savoir, comme le rappellent les savants, l'ijma, elle a eu lieu et personne n'a contredit l'ijma. D'accord? Donc tous, ils se sont mis d'accord sur la définition de l'iman et personne ne l'a contredit. Donc on a dit que L'imam Abu Hanifa, lui, il n'a pas été avec cet ijma, il a divergé avec cet ijma. Or, on connaît l'importance et la place de l'imam Abu Hanifa. On connaît sa grande piété et sa grande science. Qu'est-ce qui a fait que l'imam Abu Hanifa a divergé avec eux? Alors qu'Allah Azzawajal dit dans le Coran, dans le sens du verset, celui qui délaisse la voie du prophète après que la voie lui a été apparue clairement et qui suit un autre chemin que celui des croyants, on va le délaisser comme il a délaissé la voie. Et quand les croyants se mettent d'accord sur une chose, ici, ça fait partie du chemin des croyants. Donc ici, on voit que les croyants se sont mis d'accord sur la définition de l'Imen. On a dit que l'Ijma, il a eu lieu à l'époque des compagnons et des tabi'in. Donc Abu Hanifa, il a divergé avec cet Ijma. Tout d'abord, cet Ijma, il lui est pas parvenu. Quand l'imam Abu Hanifa, il était avant eux. La deuxième chose, c'est aussi que les livres de Sunna n'étaient pas encore écrits. Donc l'imam Abu Hanifa, il a fait des efforts et il s'est trompé. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Si on voit que les savants après, comme ils connaissaient la place de l'imam Abu Hanifa, donc les salafs et les savants, ils ont pris et ils ont marqué beaucoup sur le sujet de l'imam pour rappeler le consensus et pour faire en sorte que l'erreur de l'imam Abu Hanifa n'ait pas d'influence sur les autres personnes, car ils connaissaient la preuve, ils connaissaient l'importance de l'imam Abu Hanifa. Donc ici, on voit que quoi? Que quand le savant il se trompe, on dit son erreur. Et il y a des gens qui ne se gênent pas de dire Abu Hanifa s'est trompé, l'imam Nawawi s'est trompé. Et quand on vient à parler de certains savants de cette époque, on ne peut plus dire qu'il s'est trompé comme si c'était des prophètes. D'accord? Donc ici, Omar ibn Aziz disait Al-Iman, il disait que Al-Iman, c'est des fara'id, des sha'a'ir, des hudoud et des sunan. Il disait l'iman, c'est des actes obligatoires, c'est des croyances, c'est des limites ou des interdits et des actes surrogatoires. Après, il disait celui qui le complète, complète la foi. Et celui qui ne le complète pas, n'a pas complété la foi. Ici, quand on a dit que l'iman, avant d'expliquer ce que veulent dire les salafs par le fait que l'iman, c'est des paroles et des actes. On va juste rappeler, comme il a dit Ibn Taymiyyah dans Majmu' al-Fatawa, il a dit que ici, la définition qui est donnée, c'est la définition de l'iman chez Allah Azzawajal. Donc, c'est la définition de l'iman chez Allah Azzawajal. Quant à la définition, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'une personne est musulmane, ou mu'mina, donc qu'est-ce qui fait qu'une personne est musulmane ou à la foi complète chez Allah Azzawajal. Tandis que nous, les créatures, nous jugeons selon les apparences. Ça va être plus clair, je vais vous expliquer inch'Allah après, ça va être plus clair. Donc les salafs, quand ils disaient que l'iman, c'est des paroles et des actes, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire paroles du cœur et paroles de la langue. Acte du cœur et acte de la langue et acte des membres. D'accord? C'est quoi les paroles des cœurs, les paroles du cœur? Donc les paroles du cœur, ce sont principalement les croyances. C'est ta science, tes croyances. Donc, et principalement les six piliers de la foi. Quant aux actes du cœur, ce que certains, si vous voulez mieux comprendre, mais c'est pas ce que les gens de la Sunna utilisent comme mot, ce sont ce que certains peuvent appeler les sentiments. Mais les gens de la Sunna, ils disent pas les sentiments, mais ils disent des actes du cœur. Donc les actes du cœur, ce sont l'amour, l'espoir, la sincérité, la confiance, les intentions, tous ces actes-là. Ça, c'est des actes du cœur. Quant à la parole de la langue, la parole et l'acte de la langue, il y a un khilaf. Il y a une divergence entre les savants, mais c'est juste en fait une divergence de nom. Donc juste la parole de la langue, c'est simplement la shahadatayn. Quand une personne rentre dans l'islam, elle dit, quand elle veut montrer qu'elle est rentrée dans l'islam, elle dit « Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah ». Ça, c'est la parole du cœur. Tandis que les actes, tandis que les actes de la langue, ce sont les obéissances qui sont faites avec la langue, comme le fait de lire le Coran, le fait d'interdire le munkar, le fait d'interdire ce que la charia a jugé comme étant un mal, le fait d'appeler au bien, le fait de faire dawa, tous les actes d'obéissance que tu peux faire avec la langue. Quant aux actes des membres, ils sont connus, c'est comme par exemple faire la prière, aller à la mosquée, faire le jihad fi sabilillah, d'accord? Donc tout ça, tout ce qu'on vient de dire, fait partie de l'hymen, d'accord? Donc ici, par rapport aux paroles du cœur et par rapport aux paroles de la langue et aux actes du cœur et aux actes de la langue et aux actes des membres, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a certaines paroles du cœur qui sont une condition pour que tu sois musulman. Si tu ne les as pas, tu n'es plus musulman. Ça, c'est les six piliers de la foi. On rentrera dans le détail plus tard, inshallah, mais là, je vous dis juste de manière générale. Donc, ici, je vous disais qu'il y a certaines paroles du cœur et certains actes du cœur. Là, on va rester dans le cœur pour l'instant, qui sont une condition pour que tu sois musulman. Si tu les as pas, tu n'es pas musulman. Au niveau du parole du cœur, c'est les six piliers de la loi, les six piliers de la foi. Croire en Allah, croire aux anges, croire au prophète, croire au livre, à la prédestination bonne ou mauvaise, et croire, et croire au jour du jugement dernier. D'accord? Ici, il faut que tu croies à ces six choses de manière générale, d'une croyance ferme, sans aucun doute. Sans aucun doute. Si tu as un doute sur ces six piliers, alors ici, tu as annulé ton islam. Quant aux actes du cœur, on a dit que c'était l'amour, l'espoir, la confiance, la sincérité. D'accord? Ici, on a dit qu'il y a des actes du cœur qui sont une condition pour que tu aies la foi et d'autres pour une condition pour que tu aies la foi complète. D'accord? Si on suit un exemple, au niveau des actes du cœur, il y a l'amour, aimer Allah. Si tu n'aimes pas Allah plus que toute chose, alors tu n'es plus musulman. Par contre, si tu n'aimes pas pour ton frère ce que tu n'aimes pas pour toi, ce que tu aimes pour toi-même, mais que tu aimes Allah plus que toute chose, ici tu restes musulman, mais tu n'as pas la foi complète. D'accord? Quant à la parole de la langue, pour celui qui est capable, Ibn Taymiyyah et d'autres rappellent le consensus. Il faut, à la personne qui n'est pas muette, qui est capable de parler, elle doit dire, quand elle rentre dans l'islam, le double témoignage de foi. Si elle ne le fait pas, elle n'est pas croyante. Quant aux actes de la langue, ici, Allah, il n'y a pas d'actes, si tu ne fais pas, qui sont pas, qui font que tu n'es plus musulman. Quant aux actes des membres, l'acte des membres extérieurs sur lequel il y a divergence, c'est la prière. Et l'avis le plus juste, c'est que celui qui ne fait pas la prière, il n'est plus musulman. D'accord? Donc on a dit quoi? Que tout ce qu'on a dit, comme parole du cœur, acte du cœur, parole de la langue, acte de la langue et acte des membres, tout ça constitue quoi? En vérité, les branches de l'hymen. Celui qui les complète, il a complété la foi. D'accord? Donc on peut voir ici que la foi, ce n'est pas une seule chose. Comme l'ont compris certains groupes qui sont égarés au niveau de la foi, comme les Mourji'a, qui eux n'ont pas fait entrer les actes dans la définition de la foi, ou comme les Khawarij ou les Mu'tazila, qui eux, comprenez la foi comme étant une seule et même chose. C'est-à-dire soit tu l'as, soit tu ne l'as pas. C'est pour ça que les Khawaris gèrent des mécréants avec les grands péchés qui sont en dessous de la mécréance. Donc pour eux, celui qui faisait ça, il annulait sa foi. Puisque pour eux, la foi, ils n'ont pas médité sur le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, la foi, c'est 60 et dans une autre version, 70 et quelques branches. La foi, c'est 60 ou dans une autre version, 70 et quelques branches. Donc ici, on voit bien, il a dit dans le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit quoi? Il a dit, c'est la ilaha illallah. La pudeur fait partie de la foi. Et enlever quelque chose qui gêne dans la route des musulmans, ça fait aussi partie de la foi. Donc on voit ici dans le hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la foi, ce n'est pas une même et seule chose, et que la foi, elle a différents degrés. D'accord? Donc les Mourjiya, les Khawarij et les Mu'tazila, ils ont compris la chose, ils ont compris la foi comme étant une seule chose. Juste les Mourjiya n'ont pas formé les actes dans la définition de la foi. Or, on voit bien nous-mêmes que les croyants, ils sont différents quant à la réalité de la foi. Donc on a dit, une chose très importante, c'est que chaque obéissance est de l'hymen. Mais c'est quoi l'obéissance? Comment elle a été définie? L'obéissance, c'est la chose qui est en accord avec l'ordre. L'obéissance est ce qui est en accord avec l'ordre. Ça, c'est une obéissance. D'accord? Que là, on va parler de l'imam Abu Hanifa. Comment en fait l'imam Abu Hanifa s'est trompé? Donc l'imam Abu Hanifa, pourquoi il n'a pas inclus les actes dans la définition de la foi? Parce que il a vu, quand la femme a ses règles, elle ne prie pas, n'est-ce pas? Donc lui, il s'est dit, si la femme qui a ses règles ne prie pas, alors elle a arrêté la salat, alors elle a arrêté l'obéissance, alors elle a arrêté l'hymen. D'accord? Donc c'est sur ça qu'il a eu une ambiguïté. Il a eu une deuxième ambiguïté, on va avant de répondre à la première, il a eu une deuxième ambiguïté. C'est qu'Allah lui dit dans Sourate l'Asr, Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Allah a dit, sauf ceux qui ont eu l'iman et qui ont fait des bonnes actions. Ici, il a dit wa. Donc Allah il a dit eh, il a employé le eh. Et donc Abu Hanifa, il s'est dit, ici Allah il a dit eh, et quand on dit eh, c'est pour parler d'autre chose. Par exemple, tu dis, Mohammed est venu avec Rachid. Et Rachid et Mohammed ne sont pas les mêmes personnes. Donc ici, tu as dit eh. Donc tu as dit eh pour parler d'une autre personne. Donc si on revient à la première chose, la première ambiguïté qu'il a eue lui-même Abu Hanifa, quant au fait que la femme qui a ses règles ne prie pas. D'accord? Il s'est dit, donc on ne peut pas faire entrer les actes dans la définition de la foi, parce que sinon on va dire que cette femme qui a arrêté de prier, elle a arrêté l'hymen. Comment ils ont répondu les autres savants? Ils ont dit que, on revient à notre règle, c'est que toute obéissance qui est en accord avec l'ordre ou l'interdit est de l'hymen. Donc ici, la femme, elle a été ordonnée de ne pas prier, n'est-ce pas? Elle a été ordonnée de ne pas prier. Donc le fait qu'elle suive cet ordre, c'est de l'hymen, puisqu'on a dit que l'hymen, c'est toute obéissance, et on a dit que les obéissances, c'est ce qui est en accord avec l'ordre ou avec l'interdit. Même plus que ça, si la femme, pendant qu'elle a ses règles, elle prie, elle fait un péché. D'accord? Donc ça, c'est pour répondre à l'imam Abu Hanifa. Une deuxième ambiguïté qu'il avait avec donc l'imam Abu Hanifa, c'est que le prophète Sosom a dit, en parlant des femmes, je n'ai pas vu je n'ai pas vu comme les femmes plus diminuées en raison et en religion. Le prophète sallam lui a expliqué ce qu'il voulait dire. Ici, diminuer en raison, c'est parce que le témoignage, il faut le témoignage de deux femmes pour le témoignage d'un homme. Quant à la diminution de la religion, c'est que il y a des jours qui passent sans qu'elle prie. D'accord? Mais ici maintenant, il faut beaucoup de précision pour comprendre. Parce que si vous avez suivi ce qu'ici, vous allez dire, mais non, mais en fait, l'imam Abu Hanifa, il a raison, puisque le professeur se m'a dit, je n'ai pas vu plus diminuer en raison et en religion que les femmes. Et ici, il a expliqué au professeur Hassem que la diminution de la religion, c'était à cause du fait qu'elle passe des jours sans prier. Mais en fait, comme ont répondu les savants, ils ont expliqué ça. En fait, la femme, quand elle ne prie pas, sa foi n'augmente pas au niveau de la branche de la prière. Mais si elle fait d'autres actes, si elle visite des malades, si elle fait le bon comportement avec son mari, bon comportement avec ses parents, si elle fait des actes d'iman, d'obéissance, elle donne des sadaqas, ici, même si sa foi ne va pas augmenter du côté de la prière, déjà elle ne baisse pas, parce qu'on a dit que même si elle prie, c'est un péché, mais elle peut faire d'autres actes pendant ce temps. Mais si la précision que je voulais dire justement aux sœurs, c'est quoi? C'est que le problème, c'est que même la sœur qui entend ça peut se dire oui, mais même nous, quand on arrête de prier, on sent que notre foi baisse. La réponse à ça, c'est quoi? C'est que ta foi baisse si tu arrêtes de prier, si tu ne fais pas d'autres actes, si tu ne fais pas d'autres actes d'obéissance. Si tu arrêtes de prier et que tu fais aucun acte d'obéissance pendant le même temps, tu ne vas pas visiter un malade, tu ne fais pas les liens de parenté, tu ne fais pas, t'écoutes pas un cours, tu regardes pas quelque chose qui va faire augmenter ta foi, c'est sûr que ta foi ici, elle va pas baisser. Ta foi, elle va baisser. Donc, ce qui est important pour que la femme fasse augmenter sa foi, ou augmente même sa foi, ou alors fasse en sorte que sa foi ne baisse pas, c'est que quand elle ne prie pas, il faut qu'elle remplace ce qu'elle faisait comme prière par d'autres actes d'obéissance. Ce qu'on a dit ici, en fait, c'est pas que sa foi, elle va baisser, mais c'est que sa foi ne va pas augmenter du côté de la prière parce qu'elle ne priait pas. Ils ont répondu aussi les savants par rapport à ce hadith, que ici, ce qui est voulu dire, dans la parole du prophète, je n'ai pas vu plus diminuer que les femmes en raison et en religion. Ici, ce qui est voulu dire, c'est qu'en vérité, la femme, elle a moins d'obligations dans la religion. Par rapport aux hommes, elle a moins d'obligations. Elle ne doit pas faire les prières en commun, elle ne doit pas faire le djihad, il y a plein de choses qu'elle ne doit pas faire. Donc ici, c'est jinn sous la taklif, c'est le type d'obligation de la foi pour la femme est moins important que le type d'obligation de la foi pour les hommes. Donc ça, c'était pour répondre aux ambiguïtés d'Imam Abu Hanifa. Quant au fait que il s'est servi de en disant que le wa dans la langue arabe, ça veut dire le changement. Ici, les savants ont un peu dit tout simplement en disant que le wa, ça ne voulait pas dire toujours le changement, comme dans la parole d'Allah, par exemple. Et préserver aux prières, préserver les prières et la prière du milieu. La prière du milieu, c'est la ras. Ici, est-ce que la prière du milieu, c'est pas une prière? Si, c'est une prière. Mais c'est juste que l'Arjoujoul, ici, il a rappelé le spécifique après le général. D'accord? Il a rappelé le spécifique après le général. Donc ici, dans Sourate l'Asr, illa alladhina amanu wa amilu. Ici, amanu, c'est la base de l'iman. D'accord? Ou range de l'iman, et avec les deux, tu as complété l'iman. Donc, une autre chose par rapport aussi à l'ijma. On a vu qu'ici, il y a consensus des salafs par rapport à la définition de la foi. Donc, il y a une règle que les savants rapportent par rapport à l'ijma, c'est que quand l'ijma a lieu à une époque, toute personne qui vient après et qui contredit l'ijma, sa parole n'est pas acceptée. Sa parole n'est pas acceptée. D'accord? Donc, on va voir les preuves de l'Iman maintenant dans le Coran, des définitions qu'on vient de voir. Juste une chose que je voulais préciser, c'est que les salafs, eux, disaient que la foi, c'est parole et acte. Et bien entendu, ils entendaient, comme on a dit, parole du cœur, parole de la langue, acte du cœur et acte des membres. Et la foi monte et diminue. D'accord? Après, il gens qui sont venus après les salafs et qui ont de peur que les sens, des intentions, des actes du cœur, des actes des membres, du suivi du prophète sallam, d'accord? Ils ont tout rajouté. Ils ont eu peur que les gens ne comprennent que les actes extérieurs, par exemple, ou que les actes intérieurs. Donc ici, on va voir ces salafs ici, quand ils ont donné la définition de la foi qu'on vient de voir, comment ils l'ont donné? Ils l'ont donné tout simplement en suivant les textes du Coran et de la Sunna. Donc maintenant, on va voir les preuves dans le Coran et de la Sunna que la foi est dans le cœur. Alors je lui dis quoi? Ne t'attriste pas sur ceux qui ont dit, nous avons cru avec leur langue, sans que leur cœur ne croie. Sans que leur cœur ne croie. Donc ici, il y a une preuve que la foi est dans le cœur, sans que leur cœur ne croie. Ici, il s'agit de qui? Des hypocrites qui ont montré la foi avec l'extérieur, alors que dans leur intérieur, ils ne croyaient pas. Autre verset. Alors, je lui dis, donc c'est le verset 106, sourate 16. Alors je lui dis donc, quiconque a mécru après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son cœur demeure plein de sérénité de foi. Mais celui qui ouvre délibérément son cœur à mécréance, ceux-là ont la colère d'Allah. Il y a un châtiment terrible. Ici, c'est le verset contraire du premier. On a dit que le premier, il s'agit des hypocrites qui ont montré extérieurement la foi avec la langue sans que leur cœur croie. Ici, c'est le contraire. C'est la personne qui a été contrainte. D'accord? Ce verset, il est descendu sur Ammar ibn Yasr. Quand il a vu ses parents se faire tuer devant lui, quand il a été torturé, les Quraysh ont lui demandé d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui il a dit avec sa langue. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après le compagnon, il a été voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, comment est ton cœur? Il a dit, mon cœur est serein, mon cœur est plein de foi. D'accord? Donc ici, le verset c'est quoi? Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint, mais son cœur demeure plein de sérénité. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accès au cœur, on ne peut pas te forcer à croire quelque chose dans ton cœur. D'accord? Donc là, notre législation, l'islam, notre dernière religion, elle a permis à la personne, en cas de contrainte, de faire de la mécréance extérieurement sans que son cœur suive. D'accord? De même, parmi les versets qui expliquent, qui sont une preuve que la foi est aussi dans le cœur, c'est le verset 14 de la sourate 49. Donc, sourate 49, verset 14. Le verset, c'est, les Bédouins ont dit, donc les Arabes ont dit, nous avons la foi. Nous avons l'Iman. On va traduire par nous avons l'Iman. Disant l'Iman complet. Allah leur dit, vous n'avez pas encore la foi, mais dites plutôt, nous sommes soumis. Car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Et si vous obéissez à Allah et son messager, il ne vous fera rien perdre de vos œuvres. Allah est pardonneur et miséricordieux. On va voir d'abord quelle est la situation de ces bédouins. Ces bédouins, ils venaient de rentrer dans l'islam. Et malgré le fait qu'ils venaient rentrer dans l'islam, ils ont prétendu la foi complète. D'accord? Ils ont dit, nous avons l'iman, soi-disant l'iman complet. Allah leur dit, c'est-à-dire qu'Allah leur répond et Allah les oriente. Il leur dit quoi? Il dit, vous n'avez pas encore la foi, c'est-à-dire vous n'avez pas encore la foi complète. Mais dites, nous sommes soumis. Après Allah Azzawajal, il les oriente. Et il leur dit quoi? Car la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Juste ici, la foi n'est pas encore entrée dans vos cœurs. Donc, comme ils ont expliqué les savants, ici, elle n'est pas rentrée d'une entrée véritable. Elle est rentrée, mais pas d'une entrée véritable. On va donner un exemple pour expliquer cela. Supposons qu'on dise à une personne d'aller dans une université. D'accord? Elle est partie dans cette université. On la revoit peu de temps après. Et on lui dit, t'as été? Elle dit, oui, j'ai rentré. Elle dit, oui, je suis rentrée dans cette université. Et on lui dit, tu as vu la bibliothèque? Elle dit non. On lui dit, t'as vu les salles informatiques? Elle dit non. On lui dit, t'as vu la mosquée dans cette université? Elle dit non. On lui dit, t'as vu les cuisines? Elle dit non. On lui dit, t'as vu la salle de sport? Elle dit non. Elle est juste rentrée, elle est sortie. Elle n'a pas vu grand-chose. Ici, on va lui dire quoi à la fin? On lui dit, mais en fait, t'es pas rentrée. Quand on lui dit ici, t'es pas rentrée, on n'est pas en train de nier le fait qu'elle soit entrée, mais on est en train de nier le fait qu'elle soit entrée d'une véritable entrée qui lui aurait permis de voir tout ce qu'on a cité auparavant. Ici, c'est pareil. Alors, il a dit, dit plutôt nous sommes soumis. Donc, ces gens-là, ils étaient musulmans. Mais ils ont prétendu la foi complète alors qu'ils ne l'avaient pas encore. D'accord? Et donc, quand Allah dit ici, la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs, ça veut dire qu'elle n'a pas encore, elle ne s'est pas bien ancrée. Ils ont de la foi dans leur cœur. Parce qu'on a dit que la foi, c'est des actes dans le cœur, les paroles du cœur. Ils ont le minimum pour être musulmans, mais ils n'ont pas encore la foi complète. Ensuite, Allah Azzawajal, c'est comme s'il leur a donné le chemin pour avoir la véritable foi qu'ils ont prétendue. D'accord? Et leur informer aussi que s'ils obéissent à Allah et à son messager, leurs œuvres ne seront pas perdues. En effet, on sait que la personne qui est musulmane et qui meurt sans être sortie de l'islam, son œuvre ne sera pas perdue. D'accord? Donc ici, ce qu'on a vu, tout ça, au niveau du cœur, là, c'est la base de la foi. Quant à la preuve que la foi est dans la langue, il y a le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, j'ai été ordonné de combattre les gens jusqu'à qu'ils disent La ilaha illallah. Donc jusqu'à qu'ils disent La ilaha illallah. Et s'ils l'ont dit, et qu'ils fassent la prière, qu'ils donnent la zakat. Et s'ils font cela, alors leur compte est chez Allah, sauf par un droit d'islam. Donc ici, le témoin, le shahid, ce qu'il faut retenir du hadith, c'est quoi? C'est jusqu'à qu'ils disent la ilaha illallah. Donc il y a une preuve ici que la foi est dans la langue. De même qu'on va citer un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, sortira de l'enfer celui qui a dit la ilaha illallah. Il y a plusieurs versions. Et qui a dans son cœur, qui a comme une parcelle de foi. D'accord? Donc ici, ce qu'il faut retenir du hadith, c'est quoi? C'est celui qui a dit la ilaha illallah. Donc il y a une preuve dans ce hadith que la foi est dans la langue. De même que le hadith qu'on a dit tout à l'heure, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la foi, l'iman, c'est 60, et dans une version 70, et quelques branches. La plus haute, c'est la ilaha illallah. La plus haute, c'est la parole la ilaha illallah. De même que enlever, donc ici, parole la ilaha illallah, il y a une preuve que la foi est dans la langue. De même qu'enlever une chose qui gêne dans la route, dans le chemin, ça fait partie de l'iman. Donc ici, il y a une preuve que la foi est dans les actes. Et il a dit quoi? La pudeur fait partie de la foi. La pudeur, c'est un acte du cœur. Donc il y a une preuve aussi que la foi est dans le cœur. Maintenant, on va voir quelles sont les preuves qui montrent que l'iman, que les actes extérieurs font partie de l'iman. Et ici, la divergence, elle est là-dessus. Donc ici, quand on parlait tout à l'heure de Abu Hanifa, on disait que lui, il n'a pas inclus les actes dans la définition de l'iman. À savoir que certains savants ont rappelé qu'il y a plus de 100 dalils plus de 100 hadiths là qui montrent que la foi, que les actes font partie de la foi. Mais parmi les plus grands dalils qui montrent ceci, c'est le verset 143 de la sourate Baqara, la sourate 2. Le verset 143 de la sourate 2. Faut savoir que tous les versets qui sont avant, ici, ils sont en train de parler de la Qibla. D'accord? À savoir que les musulmans, au début, priaient vers Al-Quds, priaient en direction de Al-Quds. Ensuite, ils ont été ordonnés de prier, donc la Qibla a changé, et ils ont été ordonnés de prier vers Mecca. Ici, certains compagnons se sont dit, qu'en est-il des compagnons qui sont morts et qui avaient prié avant vers Quds? C'est-à-dire, qu'en est-il de leur foi, de leur iman, de leur acte, de leur prière? Pourquoi ils se sont posé cette question? Parce que les compagnons savaient que le fait d'être en direction de la Qibla, c'est une condition d'acceptation de la prière. D'accord? Donc ils se sont demandé qu'en est-il de ces compagnons qui sont morts avant que la Qibla soit changée vers Mecca. Et comme il a rappelé le Bukhari, à ce moment-là, Allah il a fait descendre les versets qui sont où Allah dit certes, et Allah ne va pas faire perdre votre iman. Comme il a rappelé le Bukhari, ici l'iman, l'explication de iman, c'est votre prière. Certes, Allah ne va pas faire perdre votre prière. Mais dans le verset Allah, il a dit, certes, Allah ne va pas faire perdre votre iman. Et le tafsir, l'explication de iman ici, c'est prière. Donc ici, Allah, il a appelé la prière, qui est un acte extérieur, il l'a appelé comment? Iman. Donc Allah Azzajal lui-même, il a parlé d'un acte extérieur, il l'a appelé iman. Une fois qu'on a compris ça, il n'appartient à personne de dire que les actes ne font pas partie de la foi, de l'iman. Puisque Allah lui-même, il a appelé ici, la prière, l'hymen. Parmi les preuves aussi qui montrent que les actes font partie de l'hymen, les actes extérieurs, c'est la sourate 8, les versets 2, 3 et 4. Sourate 8, versets 2, 3 et 4. Ici, Allah lui dit quoi? Innamal mu'minun. Il a commencé par innama. Innama, innama, si on va dire une manière, une figure de style, on va dire, qu'employaient les Arabes. Et ils employaient innama pour exprimer la spécificité d'une chose. Par exemple, ils disaient innama sha'iru fulan. Ils disaient innama, le poète c'est un tel. Par exemple, dans le village ou dans la ville, il y a plein de poètes. Mais il disait innama ash-sha'iru fulan, un tel. Il disait innama, le poète c'est un tel. Il voulait dire quoi? Il voulait dire que celui qui a complété et qui est vraiment fort dans la poésie, c'est un tel. Donc pour montrer qu'un tel il dépassait les autres et qu'il avait complété au niveau de la poésie tout, ils employaient le avant juste innama. Donc quand vous allez voir innama dans le Coran, et qu'Allah parle des croyants, c'est pour montrer ceux qui ont complété l'iman. D'accord? Qui ont complété l'iman. Donc ici, Allah, il les a décrits comment? Il a dit, certes, les croyants qui ont la foi, l'iman complet, ils sont comment? Ce sont ceux dont les cœurs tremblent. Wajilat, c'est les cœurs ont peur, les cœurs tremblent. Quand on mentionne Allah, et quand les versets leur seront cités, cela fait augmenter leur foi. Ici, regardez, on va voir les caractéristiques de ceux qui ont complété la foi. Donc, ils ont quoi, ces gens-là? Quand on mentionne Allah, leur cœur frémisse. Quand les versets sont récités, leur foi augmente et ils placent leur confiance en Allah. Ici, Allah, vous voyez, si vous méditez sur les versets, il a parlé du cœur ici. Il a commencé par le cœur. Et comme il dit, Cheikh Saadi dans son tafsir, Allah il a commencé par le cœur, car le cœur c'est la base. D'accord? Donc ici, leur cœur il est comment? Quand ils entendent Allah, leurs cœurs ont peur. Quand les versets sont récités, dans leur cœur, leur foi augmente. Et en plus quoi, ils placent leur confiance en Allah. C'est aussi un acte du cœur. La confiance est un acte du cœur. Après Allah, il parle d'actes extérieurs et qui accomplissent la salat. Donc qui accomplissent correctement la salat. Ça, c'est un acte extérieur. Et qui dépensent de ce que nous leur avons attribué. D'accord? Ça, c'est-à-dire, comme il dit Cheikh Saadi dans son tafsir, c'est-à-dire dans la zakat et dans les sadaqat, et qui donnent de l'argent qu'Allah leur a donné. D'accord? Après, là, il a commencé donc par les vrais croyants, et regardez, il a fini par ceux-là sont en vérité les vrais croyants. D'accord? Et ils ont quoi? Ceux qui ont concrétisé tout ça, ils ont des degrés élevés auprès de leur Seigneur. Ils ont des degrés élevés auprès de leur Seigneur. Donc ici, si on continue à méditer, comme il dit Abdelrahman Saadi, Cheikh Saadi dans son tafsir, si on continue à méditer sur les versets, on va voir que ces gens-là, qui ont la foi complète, ils ont quoi? Ils ont été bienfaisants dans leur adoration envers Allah, puisqu'ils ont peur d'Allah quand le nom d'Allah est mentionné. Ils placent leur confiance en Allah seul. Quand les versets sont récités, leur foi augmente. Et en plus, ils accomplissent extérieurement la prière comme il faut. Donc ici, ça, ils ont été bienfaisants dans l'adoration avec Allah. D'accord? Et en plus de ça, ils ont été bienfaisants avec les créatures, puisqu'ils ont dépensé de leur argent, que ce soit en zakat ou en sadaqa. Comme il dit Cheikh Saadi, il dit ceci, ces deux choses-là sont le titre du bonheur pour le serviteur. Si on arrive, bi'idhnillah azzawajal, à faire ces deux choses-là, à adorer Allah azzawajal, en essayant de l'adorer au mieux qu'on peut, de la meilleure manière qu'on peut, en se rapprochant des croyants qui sont décrits dans ce verset, et dans le même temps, si on est bienfaisant avec les créatures, alors on aura réuni entre la bienfaisance dans l'adoration envers notre Créateur et la bienfaisance envers les créatures, et en vérité, on se sera rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était le meilleur adorateur et qui était la personne la plus bienfaisante. D'accord? Donc il y a dans ce verset aussi une preuve que la foi monte et descend. La preuve que la foi monte, c'est et quand les versets sont récités, ça leur fait augmenter la foi. Donc forcément, si elle monte, elle descend aussi. D'accord? Donc le verset qu'on a dit tout à l'heure, on va le répéter, Inch'Allah, le verset 14, sourate 49. Donc le verset 14, sourate 49, pour montrer. Donc le sourate 49, verset 14, pour montrer ici, puisque dans ce verset, on est en train de parler et de donner les preuves que les actes extérieurs font partie de la foi. Le verset 15, Inch'Allah, c'est quoi? Parce que dans ce verset 14, je vois pas la preuve, je vois pas une preuve qui montre que la foi est dans les actes extérieurs. Donc, faut peut-être regarder dans le verset 15. C'est quoi le verset 15 de la même sourate 49? D'accord. Voilà. Il est ici elle est ici la preuve. Alhamdulillah. Donc ici, on a dit tout à l'heure que les Bédouins, c'était quoi leur situation? Ils avaient prétendu la foi complète. Et Allah leur a dit qu'ils étaient musulmans, d'accord? Mais qu'ils n'avaient pas la foi complète. Donc il n'appartient à personne de dire que ces Bédouins n'avaient pas la foi, puisque Allah a dit, dites nous sommes soumis. Allah, il n'a pas dit, dites nous sommes des hypocrites. Il a dit, dites nous sommes soumis. Simplement, Allah, il a affirmé l'Iman, il a affirmé qu'ils étaient musulmans, mais il a nié le fait leur prétention à savoir qu'ils avaient la foi complète. Ensuite, Allah Azzawajal, il leur a donné le chemin, il leur a expliqué le chemin, il leur a expliqué le chemin des croyants. Comme ça, s'ils veulent devenir croyants avec la foi complète, ils peuvent le faire en suivant ce qu'Allah a donné. Donc Allah, il a dit quoi après? Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager, et qui par la suite ne doutent pas, et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. D'accord? Donc ici, Allah, il a parlé du jihad fi sabilillah comme preuve de l'iman et le jihad fi sabilillah, c'est un acte extérieur. Inch'Allah, on va donner un hadith On va donner un hadith, inshallah, qui est hadith, inshallah, est dans Sahih Muslim, je pense. En tout cas, le hadith, il est sahih. Professeur me dit, celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main, s'il ne peut pas par sa langue, s'il ne peut pas par son cœur, et ceci, le fait de changer par son cœur, est le plus petit degré de foi. Donc, je répète le hadith en vous expliquant. Ici, dans ce hadith, il y a une preuve que la foi est dans les actes extérieurs, dans la langue, dans le cœur, et qu'elle monte et qu'elle descend. Donc, je vais répéter et en expliquant où sont les preuves à chaque fois, Inch'Allah. Pourquoi je vous ai donné ce hadith? Parce qu'il est suffisant pour se rappeler tout ce qu'on a dit avant. C'est-à-dire que si on vous dit quelle est la preuve que la foi est dans le cœur, quelle est la preuve que la foi est dans les actes extérieurs, quelle est la preuve que la foi est dans la langue, quelle est la preuve qu'elle monte et qu'elle descend, eh bien, vous vous rappelez juste de ce hadith. Donc, Professeur Sommel a dit quoi? Celui d'entre vous qui voit un mal, qu'il le change par sa main. Par sa main, c'est une preuve de l'hymen avec les actes extérieurs. S'il ne peut pas par sa langue, c'est une preuve que l'hymen est dans la langue. S'il ne peut pas par son cœur, c'est une preuve que l'hymen est dans le cœur. Et après, il a dit quoi? Ceci est le plus bas degré de l'hymen. Donc, quand il a dit ceci est le plus bas degré de l'hymen, ça montre que l'hymen, il monte et il descend et qu'il a des différences. D'accord? Non, allez, c'est apporté par le musulman. Donc ici, nous-mêmes, quand on est en train de parler que la foi monte et descend, ça c'est une chose, on a vu le consensus, mais c'est une chose qui est aussi observable chez nous, en nous-mêmes. Des fois, on sent plus de sincérité, on sent plus de confiance, plus de proximité vis-à-vis d'Allah Azzawajal, on fait plus d'actes extérieurs. Donc on sent que notre iman, à certains moments, il est plus fort qu'à d'autres. Ici, par rapport au hadith qu'on dit, il y a une chose qui est importante. C'est quoi? C'est que même quand ta foi baisse et que tu vois un mal, ne garde pas dans ton cœur. Dis-le avec ta langue. Force-toi. Même si tu as du mal et même si tu sens que ta foi est faible, mais fais-le avec sagesse. Et tu vas sentir quoi? Tu vas sentir que quand tu l'as fait, ta foi elle a augmenté. Parce que tout à l'heure, quand je vous parlais de tout ce qu'on a vu au niveau des actes, donc les paroles du cœur, des paroles de la langue, des actes du cœur, des actes des membres, et que tout ça, c'était l'hymen et que ça montait et que ça descendait, eh bien en fait, tout ça fait partie de l'hymen, mais pour le faire aussi, ça demande l'hymen. Donc par exemple, quand tu veux aller à la mosquée, les pas que tu fais, comme c'est, on a dit que l'hymen, c'est ce qui est en accord avec l'obéissance, ici, quand tu fais des pas vers la mosquée et que tu as les ablutions, tu es en train de faire une obéissance. Donc ça, pour le faire, il faut de l'hymen, parce que si ton hymen il est faible, tu vas rester chez toi à regarder la télé. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que non seulement il faut de l'hymen, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu le fais, ça te rajoute de l'hymen. Donc quand tu n'y arrives pas, force-toi. Pour lire le Coran, il faut de l'hymen. Mais quand tu lis le Coran, ton hymen augmente. D'accord? C'est pour ça qu'à chaque fois, je nous encourage à faire des actes. À faire des actes. Pas que apprendre, à apprendre et à faire des actes. D'accord? Je vais vous donner une image pour que vous compreniez, pour qu'on comprenne l'importance de la science, mais l'importance des actes aussi. En fait, la science, d'un côté, elle est plus importante que les actes, alors que les actes, d'un côté, sont plus importants que la science. Je vais vous expliquer, Inch'Allah. On peut comparer le chemin qui nous mène au paradis, d'accord? Comme un chemin que tu dois parcourir avec ta voiture, avec une voiture, d'accord? La voiture, on va dire, elle a deux grandes principales caractéristiques. Les phares, qui te permettent de voir la route. Donc, avec les phares, tu vois la route. D'accord? Deuxième grande caractéristique, on va dire que c'est le moteur et les roues. Le moteur et les roues, ils te permettent d'avancer. D'accord? Donc ici, si ta voiture, elle n'a pas de moteur et elle n'a pas de roue, même si elle a des bons phares, même si tu vois le chemin, ça ne sert à rien puisque tu ne pourras pas avancer vers ce chemin. Tandis que si ta voiture, elle a un bon moteur et elle a des bonnes roues, mais que tu n'as pas de phare et qu'autour de toi il n'y a pas de lumière, alors Tu vas avancer vers où? Vers le mur? Vers un arbre? Tu ne pourras pas avancer vers l'objectif. D'accord? Donc ici, dans l'exemple que j'ai donné, les phares, ils sont comparables à la science. Tandis que le moteur et les roues, ils sont comparables aux actes. Donc quand je disais que la science, elle est plus importante d'un côté et que les actes sont plus importants de l'autre, je voulais dire quoi? Je voulais dire que ici, les phares qui correspondent à la science, ils te permettent de connaître le chemin qui mène au paradis. Il t'éclaire le chemin du paradis. Donc ici, tu dois connaître un minimum de science. Sinon, tu ne peux pas aller au paradis. Donc de ce côté-là, la science, elle est plus importante. Quant au niveau des actes, les actes sont plus importants d'un autre côté parce que à chaque fois que tu apprends une chose et que tu la mets en pratique, ici, cette chose-là, elle vient et elle nettoie tes phares. Et elle peut mettre à tes phares de mieux voir. En fait, les phares ici, c'est le cœur. D'accord? Et comme il dit Ibn Qayyim, il dit, le chemin qui mène vers Allah est un chemin qui se parcourt avec quoi? Avec les cœurs. Donc ici, à chaque fois que tu apprends quelque chose, ça vient nettoyer ton cœur. Et ton iman, il ment, il augmente. Mais si cette chose, tu ne la mets pas en pratique après, qu'est-ce qui se passe? Alors, quand tu ne la mets pas en pratique, cette chose-là, elle ne te sert à rien. D'accord? Ça, c'est dans le Fatiha. Tout ce que je vous ai dit, c'est juste dans le Fatiha. C'est quoi? C'est Ihdina Sirat al-Mustaqim. As-Sirat al-Mustaqim. Comme l'a dit Rahman Saadi dans son tafsir, le chemin droit, c'est-à-dire guide-nous sur le chemin droit et dans le chemin droit. Comme il est dit dans son tafsir. Donc guide-nous vers le chemin droit, c'est-à-dire montre-nous le chemin droit, et guide-nous sur le chemin droit, c'est-à-dire fais en sorte qu'on le parcourt. Parce que la guidance, elle est de deux types. Le fait de montrer la voie, et cette guidance, elle a été attribuée à tout le monde. Excusez-moi, cette guidance, elle a été attribuée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et aux savants. D'accord? C'est-à-dire le fait de montrer la voie. Et le fait d'emprunter cette voie, cette guidance, elle n'a été attribuée qu'à Allah Azzawajal sans aucun associé. C'est lui qui met la foi dans les cœurs et c'est lui qui permet aux gens d'écouter la vérité et de faire en sorte de la comprendre et d'avancer. Donc cette deuxième guidance qui est la guidance de la réussite, et bien cette guidance elle a été attribuée qu'à Allah Azzawajal seul. D'accord? Donc ici quand on demande à Allah de nous guider dans le chemin droit, on demande à Allah de nous montrer le chemin droit, donc c'est la science, et on demande à Allah Azzawajal de quoi? De nous faire comprendre, et on demande la deuxième chose à Allah Azzawajal de nous faire de faire en sorte qu'on agisse. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je nous encourage à essayer de faire la prière avec concentration, essayer de faire Qiyam Lil si on peut, essayer de faire des actes d'obéissance, puisque aujourd'hui on a vu quoi? Que tout ce qui est en accord avec l'ordre, c'est de l'hymen, et que c'est tout ce qui est obéissance, c'est de l'hymen. Donc à chaque fois que tu fais de l'obéissance, eh bien, à chaque fois, tu permets à ton cœur de faire entrer de la lumière dedans, de mieux voir la route et d'avancer vers Allah Azzawajal. La dernière fois, Inch'Allah, je vous avais demandé, Inch'Allah, avec ce que vous avez écouté aujourd'hui, Inch'Allah, vous pouvez répondre, est-ce que le tasdir, ça augmente ou pas? Donc, je vous avais demandé si le tasdir d'une personne, il augmente ou pas. Non. Donc si vous voulez répondre, le dire, est-ce que le tasdir d'une personne augmente ou pas? Donc on a dit le tasdir, c'est les paroles, c'est les croyances, les paroles du cœur. Donc, qui dit que le tasdir augmente ou qui dit qu'il n'augmente pas? Alors, j'aurais tendance à dire qu'il n'augmente pas. C'est quoi les autres réponses? Je dirais qu'il augmente. Vous pouvez argumenter aussi pourquoi vous dites qu'il n'augmente pas. En tout cas, sur ceux qui disent qu'il augmente, comment ils argumentent? Parce que la sœur qui a dit j'aurais tendance à dire qu'il n'augmente pas. Est-ce que le tas dire qu'il augmente ou pas? Vous voyez? Vous donnez les réponses, il y a d'autres réponses ou je vous donne la réponse. Donc la sœur a dit le tas dire c'est la parole du cœur et la croyance sur les six piliers, donc cela nécessite une certitude et une fermeté et aucun doute. Vous voulez que je vous donne la réponse? En fait, le tasdir, il augmente. Mais, donc s'il augmente, il baisse aussi. Mais le minimum du tasdir, s'il baisse en dessous du doute, en fait, le tasdir qu'on a dit, c'est du cœur, et on a dit que c'est principalement les six piliers de la foi. D'accord? Croire en Allah, aux anges, aux prophètes. D'accord? S'il y a un doute, même un sur un milliard, s'il y a un doute, il n'y a plus de foi. Qu'Allah nous protège. S'il y a un doute, il n'y a plus de foi. Mais par contre, il augmente. Il augmente et il baisse. Comment il augmente? Regardez, il augmente en ayant de la connaissance détaillée sur les six piliers de la foi. Il augmente en ayant une connaissance détaillée sur les six piliers de la foi. Je vous donne des preuves de ça. Par exemple, Ibrahim alayhi salam, il a dit, Oh Allah, montre-moi, Oh Allah, montre-moi comment tu fais vivre les morts. Si vous méditez sur le cerveau, sur le verset, excusez-moi, si vous méditez sur le verset, Allah, il n'a pas dit, Ibrahim, il a dit, il n'a pas dit, montre, est-ce que tu fais vivre les morts? Il sait très bien, mais il lui a dit, montre-moi comment. D'accord? Et Allah, il lui a dit quoi après? Ne crois-tu pas? Ibrahim, il lui a dit, si, mais pour que mon cœur soit rassuré. Donc ici, la foi augmente en fonction de la reconnaissance du cœur, de son aisance, de sa tranquillité. D'accord? Donc une fois qu'Ibrahim alayhi salam, il a vu les oiseaux, il a vu qu'ils étaient morts et qu'ils sont remis, ici, son tasdir, il a augmenté. Sur quoi? Sur la puissance d'Allah. Ici, ici, quand il a vu les morts devant lui, il y a au moins deux piliers sur les six qu'on a cités. Deux piliers sur les six qu'on a cités qui ont augmenté. C'est lesquels? Sur les six piliers de la foi, quand Ibrahim il a vu ça, il y a au moins deux qui ont augmenté sur le tasdir. C'est lesquels? Je vais vous donner la réponse, Inch'Allah. C'est la croyance en Allah. Elle a augmenté. Et dans la croyance en Allah, ce qui a augmenté, c'est les nuits. Par exemple, Al-Qadir. Ibrahim, il sait sans aucun doute qu'Allah est capable. Mais ici, il a vu devant lui. Il a vu des oiseaux qui étaient morts et après, il a vu des oiseaux qui sont revivants. Qui sont quoi? Qui ont revécu. D'accord? Le deuxième pilier qui a augmenté, c'est la croyance qui sont ressuscités. Non. Le deuxième pilier qui a augmenté, c'est la croyance au jour du jugement dernier. Ibrahim alayhi salam, bien sûr qu'il ne doute pas qu'il y a un jour du jugement dernier. Mais ici, quand il a vu devant lui ce qui était mort et ce qui a vécu, ben ce pilier l'a augmenté. Donc ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que bien sûr que le tasdir qu'il augmente. Et il baisse aussi. Mais par contre, il doit avoir un niveau minimum. Le niveau minimum, c'est que les six piliers doivent être fermes, sans aucun doute. Mais ces six piliers, ils augmentent. Comment? En méditant sur le Coran, sur la Sunna, sur les signes d'Allah, sur sa création, sur nous-mêmes. Plus on médite, plus on médite sur ces choses-là, et plus notre iman augmente. On va donner une deuxième preuve, Inch'Allah. C'est la situation de Hamdallah. Le compagnon Hamdallah, un jour, il a vu Abu Bakr Siddiq. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, je suis devenu hypocrite. Et Abu Bakr, il lui a dit, mais regarde ce que tu dis, pourquoi tu dis ça? Et le compagnon Hamdallah, il lui a expliqué, il lui a dit, si, nous sommes avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et il nous parle du paradis et de l'enfer. Et regardez, il a dit quoi ici? Il a dit, comme si on le voit. Et il a dit, après, on va avec nos familles, on oublie beaucoup. Et qu'est-ce qu'il a dit à Abou Bakr Siddiq? Il a dit, mais moi aussi, ce que tu as, moi aussi, je l'ai. Ils ont fait quoi? Ils ont été voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ils lui ont expliqué la situation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit quoi? Si vous restiez dans le même état que quand vous êtes avec moi, avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit que c'était quoi leur état? C'est comme s'ils voyaient le paradis et l'enfer de leurs yeux. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il leur a dit, si vous restiez toujours dans ce même état, c'est-à-dire dans ce même état de foi, alors les anges viendraient vous serrer la main dans les rues. D'accord? Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit une heure et puis une heure. Quand il dit une heure et une heure, c'est pas une heure dans l'obéissance, c'est une heure dans la désobéissance. Elle sait que la foi, elle monte et que la foi, elle descend. D'accord? Donc, Inch'Allah, on va s'arrêter là. Sauf si vous avez des questions, Inch'Allah. Et on reprendra dimanche, Inch'Allah. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله، والحمد لله رب العالمين، وبارك فيكم.